Une maison calcinée et, au milieu des décombres encore fumants, un cadavre racorni, difficilement identifiable, surtout à une époque, 1976, où l'on ne pratique pas encore les tests génétiques. Alors, ce cadavre, est-il vraiment celui de l'occupant des lieux, Joachim Peiper, un colonel SS condamné à mort après la guerre et qui a trouvé refuge en France, près de Vesoul? La justice française, après pas mal d'hésitations, finira par conclure que le corps est sans doute celui de Peiper, sans doute. Mais on ne pourra jamais le prouver. La dépouille rendue à la famille a été incinérée. La semaine passée, dans la diffusion de la première partie de ce long entretien consacré à cette mystérieuse affaire, M. X a retracé la carrière sanglante de ce SS. Une bête de guerre couverte de cicatrices, mais aussi un officier responsable de nombreuses exactions. En 1943, en Italie, il fait brûler une petite ville et fusiller ses habitants. Il récidive en Ukraine, sur le front de l'Est. Ses exploits militaires sont trop souvent accompagnés de massacres de civils. Et puis, il y a ses étranges séjours à Dachau, camp de concentration et centre d'entraînement des SS. Peiper y fera allusion au cours de son procès et reconnaîtra qu'il a assisté à des expérimentations de gazage sur des prisonniers. Enfin, il faut parler de l'affaire de Malmedy, celle pour laquelle il sera condamné à mort. Car cette fois-ci, Peiper n'a pas exécuté des civils anonymes, mais des prisonniers de guerre américains. Plusieurs dizaines de soldats abattus dans les Ardennes au mépris de toutes les lois de la guerre. L'affaire fait grand bruit aux États-Unis et dès la fin du conflit, Peiper est arrêté, jugé et donc condamné à mort en 1946. Mais alors que l'alliance entre les vainqueurs se fissure et que la guerre froide commence à figer le monde, une campagne en faveur de Peiper se dessine. Le colonel SS n'aurait pas été jugé équitablement. Il aurait même subi des sévices au cours des interrogatoires. Cette campagne est en particulier menée par le sénateur McCarthy, qui va bientôt s'illustrer dans la chasse aux sorcières. La condamnation à mort de Peiper est commuée, et en 1956, il est libéré. Sa seconde vie commence. Elle n'est pas moins mystérieuse et trouble que la première. Que fait Peiper lorsqu'il est libéré? Il trouve du travail tout de suite. Quoi? Officiellement, il est laveur de voiture chez Porsche. Laveur de voiture, mais... Et puis pourquoi officiellement? Parce que je suis persuadé que Peiper n'a pas dû laver beaucoup de voitures. Expliquez-moi ça. Alors. Sur injonction américaine, les criminels de guerre libérés devaient avoir un salaire limité. Par conséquent, on lui a trouvé ce modeste poste. Un poste fictif. Certainement. L'essentiel était qu'il y ait écrit « laveur de voiture » sur sa feuille de paye. Mais quand vous dites qu'on lui a trouvé un poste, qui est ce « où » Il existait des réseaux d'aide pour les anciens nazis, mais enfin nous en reparlerons. Et donc Peiper, dès sa libération, a bénéficié de cette aide. Exactement. Et chez Porsche, on savait très bien qui était Peiper. Donc on l'a engagé en toute connaissance de cause. La preuve, c'est que Ferdinand Porsche s'est intéressé très vite à ce modeste laveur de voiture. Il l'a promu à un poste de cadre. Il faut dire que Porsche lui-même avait collaboré étroitement avec le régime nazi. C'est vrai. L'inventeur de la coccinelle était un proche de Hitler. Et s'il n'a pas eu trop d'ennuis après la guerre, c'est que nous l'avons capturé et que nous l'avons obligé à travailler pour notre industrie automobile. Enfin, nous en avons déjà parlé. Oui, je me souviens très bien. Ouais. Donc Porsche pouvait difficilement refuser son aide à un type comme Peiper. Un type qui, ne l'oublions pas, était considéré comme un héros par les anciens nazis et surtout les SS. Et il reste longtemps chez Porsche, hein? Pas trop, non. Pourquoi? Les syndicats aussi connaissaient le passé de Peiper. Tant qu'il occupait des fonctions subalternes, ça pouvait passer. Mais quand Porsche l'a appelé à occuper un poste plus important, les syndicats ont crié au charme. Et Peiper a dû quitter l'entreprise avec de confortables indemnités. Et où va-t-il à ce moment-là? Il retrouve immédiatement une place de responsabilité dans une concession automobile. Toujours à la filière nazie? C'est probable. En tout cas, Peiper gagne très bien sa vie et il mène une existence bourgeoise dans un quartier résidentiel de Stuttgart. Toutefois, en 1964, il décide de prendre sa retraite. Sa retraite, mais il a alors quel âge, là? Attendez, je vérifie. Ben oui, effectivement, il est né en 1915, il a donc 49 ans. Ouais. C'est très jeune, non, pour prendre sa retraite? C'est certain, il s'agit d'un premier mystère. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que 1964 est aussi l'année où sont passés leur attaque. Ah oui, vous m'avez dit, les Italiens. Hein? Oui, et le massacre de Bov. Deux partisans italiens le retrouvent, et un juge italien dépose une plainte contre lui devant un tribunal allemand. Mais je vous l'ai déjà dit, le procès qui va suivre à Stuttgart sera une véritable mascarade et un déni de justice, puisque les magistrats allemands refuseront d'entendre les témoins italiens. Et Piper est donc acquitté. Bah, il est relaxé, faute de preuves, évidemment, puisqu'on n'a pas voulu les chercher, les preuves. Et à votre avis, est-ce qu'il y a un rapport entre la résurgence de cette affaire italienne et le fait qu'il prenne sa retraite? Je le suppose. C'est-à-dire? Piper n'a jamais cessé d'être un nazi. Ouais, vous voulez dire qu'il n'a jamais renoncé à ses idées? Oui, et cette action que les Italiens entreprennent contre lui doit le renforcer dans ses convictions que la lutte continue et qu'il doit s'y consacrer. La lutte pour faire triompher le nazisme. Tout à fait, ouais. Oui. Mais sous quelle forme dans ces années-là? Je vais y venir. Ce qui est intéressant, c'est la suite. D'abord, Piper achète un morceau de terrain en France, en Haute-Saône, exactement près de Vesoul, à Traves. Et pourquoi là? Je crois vous l'avoir dit au début de cet entretien, le choix de Traves, modeste village de quelques centaines d'habitants, est l'une des grandes questions que pose cette affaire. Et puis, j'essaierai d'y répondre. Oui, d'accord. Et le terrain qu'il achète, là? Un bois, à l'intérieur duquel Piper obtiendra plus tard l'autorisation de construire une maison. Donc un endroit très isolé. Tout à fait, il n'y a même pas de route pour y accéder directement. Mais la seconde question qu'on peut se poser, c'est celle des ressources de Piper. Ouais, de quoi vit-il, c'est ça? Oui, oui. Il a peut-être fait des économies. Sans doute, mais il a dû acheter ce terrain. Or, jusqu'en 1969, si je ne m'abuse, attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Jusqu'en 1969, on ne lui connaît pas de revenus. Et après? Il va assurer quelques travaux de traduction pour un éditeur allemand. Les traductions, ça doit tout juste lui permettre de subsister. Vous avez raison, les traductions sont en général assez mal payées. Et des traductions de quel ordre? Il traduit des ouvrages d'allemand en anglais ou de français en d'accord, allemand. Non, mais je voulais vous demander quel genre d'ouvrage. Oui, c'est en effet très intéressant. Piper traduit des livres d'histoire. Mais pas n'importe lesquels. Des mémoires consacrées à la Deuxième Guerre mondiale et ceux d'un ancien de l'armée de Vlassov. Vlassov, c'est ce général soviétique qui a trahi et qui a fini par combattre aux côtés des nazis. Oui, il a été pendu en 1946. Autre livre, les mémoires d'un ancien de la division Charlemagne. Ouais, les SS français. Oui, donc vous voyez que le choix de ces ouvrages n'est pas totalement innocent. Il s'agit pour Piper de continuer à propager l'idéologie nazie. Et les éditeurs pour lesquels il travaille? L'éditeur, il n'y en a qu'un seul. Une maison d'édition de Stuttgart, Presse Verlag. Une entreprise pas tout à fait ordinaire. Quoi? Parce qu'elle appartient en fait à une association d'anciens officiers et sous-officiers SS, la HIAG, la IAG. Mm-hmm. Et quels sont les objectifs poursuivis par cette association, la IAG, là? En apparence, il s'agit d'une sorte de fraternelle, une société d'entraide où l'on communie dans le souvenir du glorieux passé. Enfin bref, une amicale d'anciens combattants. Ouais. Mais des anciens combattants SS. Alors, en réalité, qu'est-ce que ça cache? Cette IAG est d'abord une officine de propagande nazie, et la maison d'édition Presse Verlag a été créée dans ce but. Mais ce n'est pas tout. Je suis sûr que cette association dissimule autre chose. Quoi? Après la défaite du Troisième Reich, les nazis ont essaimé dans le monde entier. Ouais, enfin, surtout dans les pays arabes et en Amérique du Sud. Hein, oui, c'est vrai. Ils y sont des auxiliaires précieux pour toutes les dictatures. Au Chili, en Bolivie, au Paraguay ou encore en Argentine. Là-bas, donc, se sont créées de véritables communautés d'anciens nazis, ce qui a permis à de nombreux criminels de guerre de se dissimuler. Ouais, comme Klaus Barbie ou le sinistre Dr Mengele. Des communautés prospères. Il ne faut pas oublier que les dirigeants nazis, quelquefois à l'insu de Hitler lui-même, avaient préparé leur fuite et opéré de nombreux transferts de capitaux avant même la fin de la guerre. Oui, c'est ça, le fameux trésor nazi. Oui, il existait donc un véritable réseau, un réseau d'influence et de renseignements. Une sorte de, comment dirais-je, d'international noir. C'est ça. Et la IAG, cette association d'anciens SS, était certainement une des pièces de ce dispositif. Et Piper lui-même, alors? Joachim Piper, ancien colonel SS, était un des responsables importants de cette association. Et ses travaux de traduction n'étaient qu'une couverture. En réalité, il était rémunéré par cet amical nazi. Que penser de la dernière affirmation de M. X, selon laquelle Piper était rémunéré par la IAG, cette amicale d'anciens nazis? Observons d'abord que de nombreux témoignages attestent que l'ancien colonel SS n'avait en rien renié son passé. Sinon, pourquoi aurait-il cloué un aigle nazi sur un des murs de sa maison de Traves? L'écrivain Roger Martin, que j'ai déjà cité la semaine passée, a effectué une enquête très minutieuse sur l'affaire Piper. Je lis dans son livre que la IAG, après la disparition de Piper, va manifester une grande activité. Exemple. De septembre à décembre 1976, elle sera l'initiative de plusieurs manifestations en l'honneur de Piper et en signe de protestation contre son assassinat. Ainsi, le 12 septembre, en collaboration officielle avec la DVU du Dr Frey, il s'agit d'une organisation pro-nazie, elle organise un repas dans un restaurant de Porse, à côté de Cologne, auquel participent 300 de ses frères d'armes, dont certains néanmoins n'ont guère plus de 18 ou 20 ans. Le 7 novembre, c'est à Mannheim, cette fois au cœur de ce Bad Württemberg dont Peiper était le responsable de région pour la IAG, que plus de 1000 nostalgiques du Reich et de la SS viennent témoigner de leur colère et de leur fidélité. Et Roger Martin poursuit. À qui fera-t-on croire que Peiper n'a été à la tête de la IAG Bad Württemberg qu'à titre bénévole? Comme d'autres organisations et groupes moins officiels, celle-ci gère un budget important. La retraite professionnelle de Peiper s'explique logiquement s'il jouait un rôle de permanent ou de semi-permanent de l'organisation. Le livre de Roger Martin, l'affaire Peiper, a été publié chez Dagorneau. Donc après avoir pris sa retraite, Peiper est donc installé à Trave. Il a construit une maison dans le bois qu'il a acheté et mène une vie apparemment paisible. À noter que son plus proche voisin est lui aussi allemand. Un ancien SS lui aussi? Oui, même s'il le niera à plusieurs reprises. Je peux même préciser que ce type qui s'appelle Kettelhut a appartenu à la même unité que Peiper. Cette garde personnelle de Hitler. Oui, la Leibstandarte d'Adolf Hitler. Les deux hommes se connaissent donc chacun depuis fort longtemps. C'est certain. Et pourtant, je vous l'ai dit, Kettelhut niera non seulement avoir été un SS, mais aussi avoir connu Peiper pendant la guerre. Pourquoi, à votre avis, hein? Ça me semble que l'air. Kettelhut ne s'est pas installé à Trave par hasard. Et il travaillait avec Peiper. Mais il ne voulait pas qu'on le sache. Parce que ce travail était clandestin. Alors. Naturellement. Il faut ajouter que c'est l'ancien colonel SS qui a fait venir Kettelhut à Trave et qui lui a trouvé sa maison, un ancien moulin. Ce qui démontre qu'il existait une longue complicité entre les deux hommes. Et dans le village de Trave, là, ce petit village de quelques centaines d'habitants, comment Peiper est-il accueilli? L'homme est très discret, il ne se mêle pas des affaires locales. Par conséquent, les gens n'ont rien à redire. Oui, mais est-ce qu'à Trave, on connaît son passé? Bien sûr que non. Et quand on va savoir, ça va provoquer une intense émotion. Alors justement, comment on apprend? L'affaire est très curieuse. Permettez, excusez-moi que je regarde encore un petit peu mes notes, là. Ah oui, voilà. Un jour de juin 1974, Joachim Peiper se rend chez un quincaillier de Vesoul. Il a besoin de grillage car il désire construire un chenil pour ses deux chiens. En effet, ces deux bêtes, des dratards, sont fugueurs. Ils ont déjà égorgé plusieurs brebis dans le pays. Ça doit rendre Peiper populaire, ça. En effet, oui. Les gendarmes ont dû intervenir et lui ont demandé d'empêcher la divagation de ses chiens. Mais où voulez-vous en venir, alors? L'homme qui lui vend le grillage s'appelle Paul Cacheux. C'est un ancien résistant, membre du Parti communiste. Et il est intrigué par l'accent de Peiper. Mais seulement par son accent? Non. Non, Cacheux se dit que cet homme à la soixantaine alerte, grand et costaud, a certainement combattu dans l'armée allemande. Il a d'abord une petite conversation en allemand avec Peiper, et quand il raconte qu'il a combattu les nazis, l'ancien SS marque le coup. Mais le vrai déclic, c'est lorsque Peiper donne son nom afin que le grillage soit livré chez lui. Peiper. Immédiatement, Cacheux est alerté. Peiper. Joachim Peiper. Et l'autre fait oui. Ça veut dire que cet ancien résistant connaissait le nom de Peiper. Son nom et son histoire. Il venait quelques jours auparavant de lire un ouvrage sur le nazisme où l'on évoquait l'affaire de Malmedy, mais aussi le massacre de Bov. C'est une coïncidence assez étonnante. Absolument. Et à partir de là, Cacheux décide de mener sa petite enquête. Tout seul? Oui. Cacheux en parle à des camarades de son parti. Toutefois, personne ne le croit. Pourquoi un criminel de guerre viendra-t-il s'établir dans un village de Haute-Saône? Et puis, Peiper est un nom très répandu en Allemagne. Mais n'empêche, l'ancien résistant en tête poursuit ses recherches et acquiert peu à peu la certitude que l'Allemand de Trave est bien l'homme qui a été condamné à mort en 1946. Il en fait donc une affaire personnelle, hein? Oui, pour lui, il est inadmissible que ce criminel de guerre vive tranquillement dans un pays où les SS ont commis tellement d'atrocités. Et ça va déboucher sur quoi, alors? Comme personne ne le croit, au printemps 1976, il envoie une lettre à un journaliste bien connu de l'humanité, Pierre Durand. Oui, Durand qui a publié de nombreux ouvrages sur cette période. C'est juste, et Durand, lui, le prend au sérieux. Tant et si bien que le journaliste se rend à Berlin-Est, où il compulse les archives de la SS. Et à son retour, Durand publie un article où il révèle que le criminel de guerre, Joachim Peiper, coule des jours paisibles à Trave. Satisfaction pour Cacheux. Et comme je vous l'ai dit, intense émotion dans la région. On demande l'expulsion de Piper. Hein. Bien sûr, on l'exige. Les anciens résistants donnent de la voix, une manifestation est même organisée à Vesoul. C'est à quelle date ces protestations hein? Attendez, je regarde là. Oui, la manifestation de Vesoul a eu lieu le 25 juin 1976. Et comment réagit Piper là? Bah, apparemment, il ne bronche pas. Il reçoit même des journalistes à qui il affirme qu'il s'est toujours comporté en soldat et qu'il a été victime d'un procès inique. Oui, ça veut dire qu'il ne reconnaît donc pas sa responsabilité, ni dans les horreurs de Boeuf, ni dans celles de Malmedy. Pour Boeuf, il souligne qu'il a été relaxé par la justice allemande. Quant à Malmedy, il dit que les prisonniers américains ont été abattus parce que certains tentaient de s'enfuir et qu'il s'en est suivi une grande confusion. Un peu facile, non? Bien entendu. Mais Piper ajoute qu'il a passé 10 ans en prison parce qu'il était le chef de cette unité et que c'est en tant que responsable qu'il a été condamné. Par conséquent, il estime avoir payé. Et on doit les ficher la paix. C'est à peu près ça, oui. En tout cas, il n'envisage pas hein, de quitter Trave. Pas le moins du monde. Et du côté des autorités françaises? Ah ben, on est bien embarrassé. Piper séjourne en France tout à fait régulièrement. Et la seule mesure qu'on puisse envisager, c'est de ne pas renouveler son autorisation de séjour. Et ça peut satisfaire les résistants? À moitié. Et dans ce cas-là, Piper devrait partir quand? À la fin de l'année 76. Au début juillet, il fait d'ailleurs un bref séjour en Allemagne, peut-être pour préparer son départ. En tout cas, il rencontre ses amis nazis. Et il revient à Trave? Oui. Ouais. Est-ce qu'il a fait l'objet de menaces? Là, il paraît. Donc vous ne savez pas? Non, parce que c'est Piper lui-même qui a parlé de menaces qui ont été proférées contre lui. Piper ou son voisin et complice Catalhaut à qui il se serait confié. Il aurait même reçu des coups de téléphone et une lettre. Vous n'êtes pas convaincu? Non. Attendez, je ne dis pas que ces menaces ne sont pas plausibles. Il y avait dans la région, même au-delà, pas mal de gens qui souhaitaient ardemment que Piper plie bagage. Mais faire état de ces menaces pouvait aussi faire partie d'un plan. Un plan? Oui. Un plan pour préparer sa disparition. Enfin, n'allons pas trop vite. Voyons de plus près, si vous le voulez bien, cette histoire de menaces. C'est donc Catalhaut, après la disparition de Piper, qui révèle à plusieurs journalistes que son ami se sentait menacé. Piper a même dit à son voisin qu'il s'attendait à être attaqué dans la nuit du 13 au 14 juillet. Mais une date symbolique. Évidemment. Alors toujours, selon Catalhaut, celui-ci lui propose de venir coucher chez lui, mais Piper refuse. Attends, une question avant de poursuivre quand même. Piper vit seul? Il a récemment envoyé sa famille à Stuttgart, où il possède toujours une maison. Tiens donc. Alors, il refuse de venir chez son ami. Hein? Oui, enfin, il affirme qu'il se sent de taille à se défendre tout seul. Il est armé? Naturellement. Un ancien SS pensait donc que fusil de chasse, carabine, arme de poing, enfin, revenant à Catalhaut, il dit à Piper qu'il va veiller toute la nuit sur sa terrasse avec ses chiens et ses fusils chargés. Oui, lui aussi armé, mais est prêt à intervenir éventuellement pour aider son ami. Oui, mais étrangement, il va s'endormir. Et il donnera une explication vaseuse, pardonnez-moi l'expression. Laquelle? Il va prétendre que souffrant d'arthrose, il a pris un calmant. Un calmant qui endort? C'est ça. Mais pensez-vous vraiment que si son ami et voisin était menacé, il aurait pris ce calmant qui risquait de le faire somnoler? Non, tout ça, c'est cousu de fil blanc, croyez-moi. Étrange voisin que ce Catalhaut. Il ne va cesser de varier dans ses déclarations sur les événements de la nuit du 13 au 14 juillet 1976. Tantôt, il a pris un simple calmant. Tantôt, il s'agit de somnifères. Tantôt, il a entendu des coups de feu. Tantôt, il n'a rien entendu. Catalhaut ne sera interrogé qu'une fois par la justice française et il quittera rapidement Trave pour regagner l'Allemagne où l'on n'aura plus de nouvelles de lui. Autre chose. En 1977, un an après les faits, l'écrivain Georges Arnaud, l'auteur du Salaire de la peur, et le réalisateur Roger Kahn entreprennent une enquête pour Antenne 2. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Ils rencontrent d'abord Paul Cacheux, l'homme qui a confondu Piper. Extrait de l'interview. Cacheux raconte sa rencontre avec l'ancien colonel. Je lui ai demandé comment se faisait-il qu'il parlait si bien le français. Il ne m'a pas répondu sur cette question-là, mais il voulait savoir pourquoi je parlais, moi, si bien l'allemand. Alors je lui ai répondu que je suis alsacien, que j'ai été expulsé par les nazis en 1940. Là, j'ai vu tout de suite que j'avais jeté un froid entre lui et moi. Puis, ma foi, je lui ai dit, vous étiez bien à Vesoul pendant la guerre. Il m'a répondu, nein. Alors, je l'ai regardé bien au fond des yeux. Et j'ai répété, vous n'étiez pas à Vesoul pendant la guerre? Ach nein, qu'il me dit. Il me semble bien, vous reconnaître, vous ne m'avez pas inconnu, que je lui dis. Mais j'ai vu qu'il devenait tout blême. Il avait changé de physionomie. J'ai vu que je l'avais touché. Je me suis dit, tiens, voilà quelqu'un qui doit avoir quelque chose à se reprocher. C'était un bluff. Je ne l'avais pas reconnu, non. Je n'avais jamais vu Piper, non, absolument pas, mais j'ai pensé. Un monsieur qui vient s'installer dans les environs de Vesoul, ici à Vesoul, c'est que sûrement il s'y est plu pendant la guerre. Les Allemands, c'est un peu ça. Ils viennent s'installer dans les endroits où ils se sont plu pendant l'occupation. C'est donc ainsi que naissent les soupçons de Cacheux. Soupçons renforcés quand Piper donnera son nom. Alors maintenant, venons-en aux faits. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, la maison de Piper brûle entièrement. Et quand enfin le feu n'a plus rien à dévorer, on trouve au milieu des décombres un cadavre racorni qui mesure tout juste 70 cm et dont les membres inférieurs et supérieurs ont disparu. Ça veut dire que le feu a été excessivement violent. Tout à fait. L'enquête prouvera par la suite que le feu a pris en trois endroits différents. Incendie criminel, donc. Sans aucun doute. Alors le cadavre est-il identifiable? Il n'y a pratiquement aucune chance. Il y a les dents quand même. Il en reste une seule. Et en comparant cette dent et son alvéole, le dentiste de Piper affirmera qu'elle pourrait correspondre au schéma dentaire du colonel SS. Toutefois, une autre question se pose. Piper avait une dent en or, mais on ne trouve aucune trace d'or fondue dans la bouche ou la gorge du cadavre. Par conséquent, on peut avoir des doutes sérieux sur l'identité de l'homme qui a brûlé. Vous avez raison de parler d'homme, parce que c'est à peu près la seule certitude. Les médecins légistes trouvent une prostate. Le cadavre est donc bien masculin. Pour le reste, ils se contenteront d'affirmer que rien ne s'oppose à ce que ce soit le cadavre de Piper. Rien ne s'oppose. Quelle formule, voilà. N'est-ce pas? On ne peut pas dire plus subtilement qu'en réalité, on ne sait rien. Et puis en retournant à la formule, ça peut aussi vouloir dire que rien n'interdit de penser que ce cadavre pourrait être celui d'un autre homme que Piper. Exactement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors revenons sur les lieux du crime, si vous le voulez bien. Le crime? Ben oui, parce qu'il n'y a que deux hypothèses. Ou bien Piper a été brûlé vite dans sa maison, ou on a brûlé quelqu'un d'autre. Ouais. Pour faire croire à la mort de Piper? Bien sûr. Et si le SS s'était suicidé? Oui, je sais, certains ont privilégié cette piste, mais enfin je n'y crois pas. Un Piper ne se suicide pas, ou alors il en profite pour en faire un acte politique, une dénonciation. Mais on n'a retrouvé aucun message de cette sorte. D'accord, alors les lieux du crime, vous y tenez? Bien, mais fions-nous aux constatations des gendarmes. D'abord, ils observent que plusieurs coups de feu ont été tirés. Certains dans les arbres en hauteur, d'autres dans le chenil. Attendez, avec quel gendarme là? Dans les arbres, avec une arme de chasse. Et effectivement, on trouve un fusil de chasse qui a servi sur la terrasse de Piper. Une arme qui lui appartient? Oui. Ouais. Mais pourquoi aurait-il tiré dans les arbres? Ah ben ça, je vous le demande. Ces agresseurs, si agresseurs il y avait, ne devaient pas être perchés dans les arbres. Il a peut-être tiré pour leur faire peur. J'en doute. Attaquer Piper n'aurait pas fait de cadeau à ses agresseurs. D'autre part, dans le chenil, on a utilisé un 6.35. Dans le chenil. Et c'est sur les chiens qu'on a tiré? Et effectivement, les deux chiens ont disparu. Ils sont retrouvés le lendemain. L'un d'eux a été blessé, mais pas par un 6.35, mais par un fusil de chasse. Qui pourrait être l'arme de Piper. Donc, c'est exact. Ça veut dire que Piper aurait pu tirer sur ses chiens. C'est une possibilité. Ça sent la mise en scène, non? Je ne vous fais pas dire. Et la suite des constatations n'est pas moins étrange. Il y a d'abord posé en ordre sur un tas de bois voisin de la maison toute une série de papiers et d'objets. Quoi, par exemple? Il y a des vêtements, des documents d'identité. Un appartement à qui, à Piper? Bien sûr. Et puis un exemplaire de Mein Kampf, dédicacé par Hitler. Un manuscrit, le dernier que Piper a traduit. Il vient d'ailleurs juste de finir. Et enfin, des polices d'assurance. Des polices d'assurance? L'assurance de quoi? De la maison? Et aussi une assurance vie. Oui. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Il n'y a qu'une explication. Celui qui a mis le feu à la maison a voulu préserver ses précieux documents. Attendez, il y a peut-être une autre explication. Imaginons que Piper soit attaqué. Il a peur qu'on ne mette le feu à sa maison et il met ses objets en lieu sûr. Et il prend le temps de bien les ranger. Non, ça ne tient pas. La suite, maintenant. Dans l'herbe, à une trentaine de mètres de la maison, les gendarmes trouvent une bouteille remplie de liquide et bouchée avec du tissu. Ouais, un cocktail Molotov, ça. Ça y ressemble, en effet, mais ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que le liquide est du fioul. Et ce carburant n'explose pas. C'est donc un faux cocktail Molotov. Mais ça en a tout l'air. Enfin, et ce n'est pas le moins intéressant, les gendarmes sont venus avec un chien policier. Ils lui font renifler les vêtements de Piper trouvés sur le tas de bois. Et aussitôt, le chien file à l'autre extrémité de la propriété. Il s'arrête devant une clôture dont certains fils de fer barbelé ont été cisaillés. Récemment? Oui. Sur un des fils, un morceau de chemise est accroché au barbelé. Et sur le sol, il y a un paquet vide de gauloise. Mais il n'y a pas plus français comme cigarette. En effet. Mais le chien poursuit sa piste. Plus loin, il y a une deuxième clôture, également cisaillée. Et au-delà, c'est la route qui mène chez Ketelhout, là où le chien perd la piste. Ouais. Parce qu'il y a du macadam, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Comme si une voiture attendait, une voiture dans laquelle serait monté le fuyard. Et Piper. On peut le penser, puisque le chien a reniflé préalablement ses vêtements. C'est pourquoi vous parlez de mise en scène, hein? Bien sûr. Mmh. Piper, à l'évidence, a voulu faire croire qu'il a été attaqué par des Français. Oui, à cause des Gauloises. Mmh. Alors, reprenons le scénario, hein. Comment ça se passe, à votre avis? Je vois les choses comme ça, moi. Piper a décidé de disparaître. Oui, parce qu'il est harcelé. Oui, il n'y a pas seulement ça. Piper a payé, c'est toujours ce qu'il a déclaré, mais c'est faux. Les Italiens ont échoué à le faire condamner en Allemagne, mais ils peuvent très bien demander son extradition à la France. Afin de le juger en Italie, oui. Oui, et il ne fait nul doute que pour le crime de guerre de Bove, il serait lourdement condamné. Mmh. Enfin, jusqu'à maintenant, l'Italie n'a fait aucune demande, hein. Piper a été identifié vers le 20 juin. Trois semaines plus tard, trois semaines seulement, il disparaît. Les magistrats italiens n'ont pas encore eu le temps de réagir. Mmh. Alors, oui, c'est assez juste, hein. Mais reprenons le scénario, alors. Piper a donc décidé d'échapper à la justice. Il n'y a pas de meilleur moyen que de faire croire à sa mort. Et c'est ainsi qu'avec l'aide de ses camarades du réseau nazi, il organise un simulacre d'agression. Et qu'il finit par mettre le feu à sa maison afin que son cadavre ne soit pas identifiable. Notez qu'auparavant, il a pris bien soin d'envoyer sa famille en Allemagne. Oui, mais alors ce cadavre, justement. Certainement celui d'un vagabond. Un pauvre homme dont personne ne se souciera de la disparition. Mmh. Vous n'avez pas de preuves? C'est vrai. Je crois vous avoir démontré qu'il s'agissait bien d'une mise en scène. Interrogez-vous, par exemple, sur ces trois foyers que les enquêteurs ont retrouvés dans la maison incendiée. Seul le propriétaire a pu les allumer. Et pourquoi pas les agresseurs? Parce qu'avant de rentrer dans la maison, ils auraient dû tuer Piper. Or, le cadavre ne porte aucune marque de coup ou de blessure par arme à feu ou arme blanche. Mmh. Mais Piper, si vous avez raison, hein, lui, tuer ce vagabond? Il a dû vraisemblablement le droguer. Ouais. Et les chiens? Pourquoi leur avoir tiré dessus? Sans les tuer, vous remarquerez. Piper était sans doute trop attaché à ces deux bêtes. Il n'a pas eu le cœur de les abattre et il les a fait fuir. Que voulez-vous, même les criminels de guerre peuvent être des amis des bêtes. Admettons votre thèse. Mais où est parti Piper, alors? Grâce au réseau des anciens nazis, il a dû fuir notre pays et il a ressurgi ailleurs sous une autre identité. D'aucuns l'auraient vu en Espagne. Mmh. Dernière question. Pourquoi Trave, alors? Pourquoi s'est-il... Pourquoi s'était-il installé à Trave, ouais, voulez-vous dire? Ouais. Regardez une carte. Trave se trouve près de l'Allemagne, de la Suisse, et pas très loin de la Belgique, où l'extrême droite était très remonte à l'époque. Voilà l'explication. À Trave, Piper était au centre de la toile d'araignée nazie. Il faut tout de suite dire qu'une série d'attentats, signés d'un mystérieux groupe Piper, ont suivi immédiatement la disparition du SS. Et l'homme qu'il avait identifié, Paul Cacheux, en a été l'une des victimes. Ajoutons aussi que les bruits les plus fous ont couru sur les auteurs présumés de l'incendie. Certains y ont vu la main d'anciens résistants, ou bien d'Italiens voulant venger les crimes de Bove. D'autres ont prétendu que c'était de jeunes fêtards du village qui avaient mis le feu. En réalité, l'affaire Piper garde encore tout son mystère. Alors, Monsieur X a-t-il raison? J'ai déjà cité l'enquête de Georges Arnaud et Roger Kahn. Ils en ont d'ailleurs tiré un livre publié par Marcel Julian. Georges Arnaud y affirme qu'un témoin lui a confié sous le sceau du secret qu'il savait que Piper était toujours vivant. Malheureusement, il n'a pas autorisé l'écrivain à révéler son identité. Et Arnaud n'a pu que mentionner l'existence de ce témoin anonyme, en ajoutant toutefois qu'il était persuadé de l'authenticité de ses déclarations. Le journaliste Pierre Durand, qui avec Cacheux a permis que Piper soit retrouvé, est aussi certain que le colonel SS a trouvé refuge à l'étranger, sans doute en Espagne. L'autre auteur que j'ai cité, Roger Martin, émet lui une autre hypothèse assez maligne. Piper aurait bien organisé toute une mise en scène faisant croire à une attaque de l'extérieur. Et puis, il aurait mis le feu à sa maison, avec l'intention de fuir. Mais il aurait été piégé par l'incendie qui a pris très vite d'inquiétantes proportions. Martin donne des arguments assez sérieux, et si vous voulez en savoir plus, je vous recommande son livre « L'affaire Piper » paru aux éditions Dagorneau.